aucun nouveau message. Menu principal. Pour modifier votre annonce d'accueil, votre code secret ou vos options, faites le 2. Bonjour. Vous n'avez aucun nouveau message. Bien droite devant mon PC, les mains crispées sur le clavier. Je rage en rage, front en nage, me prends la tête en silence avant de m'entendre hurler. Putain, ça a bugué. J'arrête pas de cliquer comme une déchaînée bonne à enfermer, mais ça veut toujours pas fonctionner. Et puis c'est quoi encore ce message d'erreur à la con? J'y comprends rien. Et puis c'est de la merde de toute façon. Bon allez, j'éteins tout avant de faire un malheur. Un pote me précise que je peux planter à vie ce qui me sert d'ordinateur. Et moi, comme une gamine farouche, je réponds d'un ton tranchant, même pas peur. Alors j'attends patiemment que mon made in Taiwan au processeur surpuissant accepte enfin de redémarrer. Il est tellement lent que j'en viendrai presque à m'énerver. Je lui laisse le temps de se ventiler, de faire tout son petit boucan bien flippant. Je tire sur ma clope en l'observant du coin de l'œil, histoire de lui montrer qu'il faudrait qu'il se magne maintenant. Je frôle l'explosion de joie quand mon bureau est devant moi. Repose la main sur la souris, pour une fois que la chance me sourit. Avec une seconde d'hésitation, je retourne sur internet et lance ma session. Reprends en m'excusant ma discussion. Ah, ça a quand même du bon, la technologie en pleine évolution. Mais là, mon partenaire virtuel se vexe, parce que je n'ai pas répondu tout de suite à sa question. Mais dites-moi, vu le contexte, il a vraiment besoin d'une explication? Alors je lui raconte à nouveau mon parcours du combattant. Utilise des mots de plus en plus brefs et convaincants. Je vais pas faire un dessin. On est en train de bien s'engueuler, quand soudainement je m'écris encore. Putain, ça a bugué! Bref, pour ce qu'il sera de me réconcilier, je pense que c'est un pigeon voyageur que je vais utiliser. Au pire, je vais tenter la machine à écrire, aussi appelée ma main. Même si avec la poste, je risquerais de ne pas aller bien loin. En dernier recours, histoire de ne pas y passer toute la nuit, j'avais pensé appeler. Mais comme le reste, bah, ça a bugué. J'ai plus de batterie. Faites le 2.